je reviendrai à L'Oréal, dans mon grand Airbus bleu de mer. J'ai besoin de briller en l'air, au-dessus des aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière du gros trésor qui là-bas dort, qui règne sur mon univers, qui m'offre des habits cousus d'or. Je reviendrai à L'Oréal, une fois que j'aurai classé l'affaire, j'aurai viré ce grand cheval d'Eric Woerth bien avant l'hiver. Je veux reprendre du dessin dans une enveloppe grand format.